الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ العثيمين الدين: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه لا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ici شيخ va attirer notre attention sur une chose qui est très importante et qui fait partie du insaf, de la justice, et de la justice de qui ? De Al-Sunna wal-Jama'a, comme quoi ils sont justes. Il dit, et nous, nous ne sommes pas contre l'idée de dire que ces ulama muntasibin ila al-Ash'ari, c'est-à-dire ceux qui s'affilient à l'Ash'ari, qu'ils ont vraiment un grand khair. Ils ont fait un grand khair pour l'islam. Ça, on ne le remet pas en question. D'accord, ils ont fait un grand khair. Et on vous a dit, par exemple, on vous a donné des exemples des gens qui ont été touchés par cette aqida, ou alors des gens qui ont complètement, qui ont été plongés dans cette aqida. D'accord, par exemple, l'imam, Al-Hafidh Ibn Hajar, par exemple, lui, c'est lui qui a expliqué Al-Bukhari. D'accord. Et vraiment, tu ne peux pas comprendre Al-Bukhari que par ce livre-là. Que par Fath al-Bari. Vraiment, il a fait énormément d'efforts pour pouvoir expliquer ce livre-là. Et il te dit bien, riwayatan wa dirayatan, ça veut dire qu'ils ont fait des tafsirs aussi. Ils ont regardé, riwayatan wa dirayatan, ça veut dire qu'ils ont fait attention au texte, à l'intérieur du texte, au contenu du texte, pour l'expliquer, et aussi par les chaînes de transmission. D'accord, ça veut dire qu'ils ont fait attention à tout. Ils t'ont ramené la chaîne de transmission et ils t'ont ramené également le sens du texte. Et ils ont jetahed, vraiment, ils ont fait énormément d'efforts pour essayer de faire pour apporter le... Ils ont même des tafassirs. Ils ont des tafassirs. Mais malheureusement, il y a ces choubouettes là qui sont rentrées. D'ailleurs. Et qu'ils ont fait énormément de khair pour que les musulmans soient guidés, etc. Mais, est-ce que ça veut dire qu'ils sont mahsoumines min al-khata? Non. D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont mahsoumines min al-khata? Non. Alors, puisqu'ils ne sont pas mahsoumines min al-khata, qu'ils ne sont pas infaillibles, nous, on corrige ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon à prendre, on garde ce qui est bon. Et c'est pour ça qu'il y a eu la lecture de Fath al-Bari. Quand tu prends la lecture de Fath al-Bari ibn Hajar al-Asqalani, il y a la lecture de ce livre-là, et il y a eu deux lectures. Il y a eu une lecture de Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et de Cheikh al-Barrak, le vivant encore. Ils ont fait une lecture entière sur ce livre-là, et ils ont fait des annotations. Et ces annotations n'étaient pas sur le fiqh ou sur autre chose, d'accord ? Même pas sur la Laura, parce que c'est des imams dans la Laura aussi, ces gens-là. D'accord ? Bon, après, s'il y a quelque chose qui doivent dire, ils vont le dire quand même. Même dans le fiqh, de temps en temps, il y a des aqwals qui sont chèvres dans le fiqh. D'accord ? Qui sont marginaux, des paroles qui sont marginales, des fois. Voyez ? Mais malgré cela, eux, leurs annotations, elles se sont concentrées sur quoi ? Sur les misa'il muta'alliqa bil'aqida. Les questions qui sont liées à l'aqida. Alors, quand il y avait une phrase qui sous-entendait la aqida, là, il faisait quoi? Il faisait une annotation et il disait voilà ce que veut dire Cheikh ici, c'est ça. Wassawab ou kada. Il disait pas regardez le mubtadi, regardez kada. Là, il se comportait, il disait voilà, Cheikh halat ici, le hafid ici, le halat, c'est une mauvaise aqida d'avoir ça, kada. Et il excuse. Ils excusent ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là, c'est ce qu'ils ont atteint comme science. C'est-à-dire, ils ont fait des efforts, ils sont arrivés à ça. Et voilà. Et le musulman, Dans tous les cas, il a du khair, wallahi alhamd, et on regarde son khair. Si son khair, il est ghalib, c'est-à-dire il l'emporte sur son char, on ne va pas le considérer, on ne va pas lui donner le même jugement qu'une personne qui est musulmane, qui a plus de char que de khair. Vous avez compris? Subhanallah. Parce qu'Allah dit, dans le Coran, il dit « Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan » وينها عن الفحشاء والمنكر فكل شيء الله سبحانه وتعالى الله يأمر بالعدل والإحسان العدل c'est quoi c'est la justice et l'ihsan c'est quoi c'est la bienfaisance et nous on est bienfaisant envers le khalq à partir du moment où on nous apporte du khair on est reconnaissant à part et on est juste aussi ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدلوا وقربوا للتقوى الله سبحانه وتعالى nous dit aussi hein, que l'injustice de certaines personnes ne soit pas aussi la cause que vous soyez injuste envers eux. D'accord? Si par exemple les gens sont tombés dans l'injustice, toi il ne faut pas que tu sois injuste envers eux. Non. D'accord? Et adilou, soyez juste. C'est plus proche hein, de la piété. Et c'est ça, la justice, c'est toujours. Justice, c'est la piété aussi. Donc, ces gens-là qui ont fait des efforts et qui nous ont apporté un grand khair en faisant l'explication des hadiths, etc., etc., nous leur sommes reconnaissants, mais par contre, on ne dit pas qu'ils sont infaillibles et mahsoumis, mais ne le fera pas. Si on va le faire même avec des sunnis, c'est-à-dire même avec des gens qui ont la aqida tayyib, et on va les reprendre là où ils ont été entre guillemets fautifs. Voilà, ils ont fait une faute. Des sunnis, des grands ulama de la sunna. D'accord? Et qu'ils ont une bonne aqida. Que dire alors des gens qui se sont trompés dans la aqida? Ça, c'est là. C'est fou. Et ça, c'est l'adl. Il n'y a personne qui est mahsoum. Mais Ibn Mubarak, rahimallah ta'ala, il disait qu'on regarde la personne, on voit si elle a largement beaucoup plus de khair. Hein? Khalas. On va le juger par rapport à ça. Et on ne va pas lui donner le même jugement que les autres. Mais si maintenant, quasiment, il est plus vers le char que vers le khair, là, on le corrige. Et puis là, on peut le. En fait, si vous préférez, même le sunna, le jama'a, ils attendent que la personne elle soit un petit peu. Attention, le khata, c'est le khata. Qu'il soit bon, qu'il soit juste, qu'il soit même ce qu'il est. Hein, même s'il a fait des futuhat islamiyah, si tu veux. Même s'il a fait des conquêtes islamiques. Mais non, nous, le khata, c'est le khata. On le corrige. Mais c'est vrai qu'on va le corriger d'une certaine manière. D'accord? S'il est adhim, si cette personne-là, elle est adhima, elle est grande auprès de la Ummah, etc., on va lui parler d'une certaine manière. Et non pas riche. Hein? Comme si c'était un petit enfant, etc. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ouais, ça, c'est l'aql, même l'aql, même la raison humaine, il peut le justifier, c'est vrai ou c'est faux? Subhanallah. Tu ne vas jamais juger les gens de la même manière, sauf si c'est une khata, oui, mais après, tu ne vas pas le juger de la même manière par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il a fait, en tout cas pour la. Voilà le message de Shir ici, par rapport à ceux qui s'affilient au minhaj de Al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala. En tout cas, lui dit, la yamna hadha min khata'ihim. Cela n'empêche pas qu'il tombe dans l'erreur. Dit qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa la nunkiru aydan anna li ba'dihim qasdan hasanan fi ma dhahaba ilayhi. Assalamu alaykum. Comme salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahala wa marhaba. Dit wa la nunkir aydan anna li ba'dihim qasdan hasanan. Ahala. Cheikh Abbas. Khair. Il dit qu'il y en a parmi eux qui ont un bon objectif, qui ont un bon but et un bon objectif, et qu'on ne peut pas également réprimander ou rejeter ce fait-là. C'est vrai, ils avaient un bon qasd. D'ailleurs, c'est à travers ce qu'ils ont fait comme effort. L'explication de Bukhari, c'est pas donné à tout le monde. Il a mis 25 ans pour le faire. Hein? Ça, c'est par exemple le Hafez Mahajal. Mais il y a d'autres qui ont fait des tafassirs, il y a d'autres qui ont fait toute leur vie, qui n'ont même pas terminé les livres. Ils n'ont même pas terminé les livres, hein, subhanallah, imaginez-vous. Alors, donc, Hein? On a des gens, yani, on voit bien qu'ils ont le qasd al-hasan, c'est-à-dire une bonne intention, une bonne niya. D'accord? Et c'est pour ça qu'on ne les juge pas comme d'autres. Hein? C'est pour ça qu'on ne les juge pas comme des gens qui sont vraiment adou, les sunnahs, et qui ne veulent rien entendre. C'est faux. Voilà, nous ne kiro aïdan. أن لبعض لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه ولكن لا يكفي لقبول حسن قصد قائله بل لابد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Il dit, donc ici, cher, que son intention, ça ne va pas être aussi quelque chose qui va nous empêcher de lui faire un rat s'il le mérite, de réprimander, hein, de lui faire un rat, une réplique s'il le mérite. Pourquoi ? Parce que nous, hein, on va regarder s'il est en accord avec la charia, et s'il n'est pas en accord avec la charia, alors on rejette son qawl et tout cela est obligatoire dans notre dîn, d'accord, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam, et sans regarder qui il est, vraiment on ne va pas regarder qui il est, on va lui faire le rat à partir du moment où il s'est trompé, d'accord, quel qu'il soit. Et il dit, car le prophète sallam dit, man amila amala laysa alayhi amuna fa huwa rad, celui qui fait une œuvre qui est contraire à nos enseignements, hein, cette œuvre-là lui sera rejetée contre lui. On le rejette, cette œuvre. Pourquoi ? Parce que elle ne fait pas partie de notre dîn. Donc si elle ne fait pas partie de notre dîn, on est obligé de répliquer et réprimander cette chose-là. C'est un mon cas. D'accord ? Il y a, par exemple, des fois, des grands imams, ils ont fait des erreurs. Et on ne les a pas suivis dans leurs erreurs. Et s'il fallait suivre chaque imam dans ses erreurs, on inventera notre dîn. Surtout que ces imams-là, quand ils font ces erreurs, il y a d'autres imams qui montrent avec le Coran et la Sunna qu'ils se sont trompés. Donc, à partir du moment où ils se sont trompés et qu'ils ont khalaf notre sharia, nous on ne les suit plus. À la maquette. Vous avez compris, c'est Inch'Allah. Et attention, il ne faut pas comprendre que. Il y a des gens, il est là le problème. C'est qu'il y a des gens qui comprennent que des erreurs, des fois, ça peut être quoi ? Des erreurs ? Ça peut être un manège. Dans le sens où quoi ? Dans le sens où s'il s'est trompé, c'est qu'il y a un khilaf. Non. Vous avez compris ? Si par exemple un imam de ce temps-là, grand chir, il vient et nous ramène, nous apporte une parole qui n'a pas été dite par les salafs. Et lui, il insiste. Et il amène même des preuves du Coran de la Sunna. Mais il a khalaf les salafs salafs. Dans cette parole-là. Est-ce qu'on va le suivre ? Non, on ne le suit pas. On ne va pas dire, oui, puisque ce shir-là, c'est un shir salafi, eh bien, on le suit sur ça. Non, on va regarder si, est-ce que les salafis l'ont dit ou pas. Et ça arrive beaucoup, ça, les frères. Enfin, quand je vous dis ça arrive beaucoup, c'est-à-dire que, des fois, il y a des grandes polémiques autour de grands machers salafis, etc., qui se sont trompés sur des choses, sur des avis religieux, etc. Ils ont voulu impliqué, hein, ou plutôt non, ils ont voulu apporter certaines questions, hein, religieuses, mais comment dirais-je, voilà, où il n'y a pas que le vote, il y a d'autres, et moi il y a des messelles qui sont encore plus dans la aqida, dans l'iman, etc., etc., dans la foi, etc., sont venus avec des paroles que les salafs ne disaient pas. Alors ils ont insisté, ils ont essayé de les justifier, etc., à travers les preuves. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a aucun salaf qui a dit ça. Et que les kibar, les ulama, c'est-à-dire hein, ceux de l'ajnad d'Aïma et d'autres, ils ont apporté des preuves du Coran, de la Sunna, comme quoi ils se sont trompés. Mais le problème, il est où ? Il est que certains de nos frères salafis pensent que ça, c'est quoi ? C'est la vérité. Ou alors pense que c'est un khilaf, chez Al-Sunna al-Jama'a, alors que là, il n'y a pas de khilaf. Vous avez compris ? Nous, chaque parole qu'on va rapporter, que ce soit dans la aqidah, bon, le fait qu'on n'en parle pas, mais dans la aqidah, on a la possibilité de vérifier. Vous avez compris? Si aujourd'hui quelqu'un vous apporte une mas'ala dans le kufr ou dans l'iman, ce qui est les choses les plus importantes, hein. C'est pour ça que nous on recasse beaucoup sur la aqida ou sur le tawhid, l'asma ou sifat, etc. On a la possibilité de vérifier ça à travers les calamités du salaf sahih. Vous avez compris? On ne peut rien ramener de nouveau. Vous avez compris? On est capable, on peut vérifier ça à travers le Qur'an, la sunna. Même s'il n'y avait pas Ibn Taymiyyah, même s'il n'y avait pas tel shir, même s'il n'y avait pas ces choses, on est capable de. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bayen l'aqida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bayen l'aqida, subhanallah. D'accord? Bon, à la coulée, hein, il faut faire attention à ce point-là, hein, qui est de dire que ce n'est pas chaque shir, c'est la vie, même si c'est un imam, même si c'est un alim, il ne se trompe pas. Et tout ce qu'il dit, c'est forcément un khilaf qui est muhtabar, c'est-à-dire c'est forcément un khilaf à retenir et un khilaf qui est acceptable. Non, ça c'est faux ça. Nous on va prendre sa parole, on va la comparer, on va dire voilà, Kitab wa Sunnah qu'est-ce qu'il dit, et après on prend sa parole ou on la rejette. C'est faux ? On prend sa parole ou on la rejette. Et ça c'est très très très important parce que aujourd'hui, il est inconcevable chez certaines personnes de se dire quoi ? De se dire que Ta'ulama, salafiyin, ils se trompent. Ils vont dire peut-être qu'ils se sont trompés, ils vont dire oui, mais moi je tends plus vers ce qawl-là. D'accord ? Ils vont dire. Mais c'est quand même un khilaf qui est mu'tabar. Non ! Elle est là l'erreur. C'est que c'est même pas un khilaf. Ça veut dire que le shirk s'est vraiment trompé. Et c'est vraiment trompé. Pour de vrai. C'est-à-dire que son qawl n'a aucune source. Hein ? N'a aucune source. Et lui, voilà, et c'est une interprétation qu'il a eu. Comme Ibn Hajar. Si Ibn Hajar était beaucoup plus alim que ces chouyours qui sont venus, attention, quand on dit alim, ça veut dire quoi? C'est du niveau science, il avait la science. C'était des gens, pour faire l'explication de Bukhari, c'est que le alim, c'était un alim. Hein. Si Ibn Hajar est tombé dans l'erreur, et que lui-même, hein, il a dit que Allah, par exemple, il n'était pas au-dessus du trône. Nous, on dit ça, c'est encore le Jahmiya. Mais on n'est pas capable de dire, oui, Ibn Hajar, c'est un Jahmiya. Non, il s'est trompé, il a eu, voilà, kada, wakada, wakada. Et ces gens-là, et les chouyours, même contemporains, qui sont salafis, on est capable de le dire aussi. On dit, ils se sont trompés, kada, kada. Mais ils ont khalaf, quoi. Khalaf ou le kitab, ou le sunna, ou l'ijma'. Là, le Hajar est la khalif du kitab, ou le sunnah, ou l'ijma, c'est bon, c'est faux. Et le fitra, et ça, c'est bon, c'est faux. Mais est-ce qu'on a dit que c'est un jahmi? Non, on a regardé tous les efforts, tout le khair qu'il a fait pour la Ummah, et on ne lui a pas donné le même jugement. De la même manière qu'aujourd'hui, s'il y a des chouyours qui tombent, par exemple, dans ce qu'on appelle des masayel de l'iman, ils tombent dans l'irja, ou ils tombent dans kada, et bien qu'est-ce qu'on va dire? On va dire c'est des mourjia directement? Non. On va dire voilà, on va regarder tout le khair qu'il a fait. Et on va dire, voilà, c'est un effort d'interprétation qu'il a eu, d'accord? Et on ne l'accepte pas, et ce n'est pas un khilaf qui est muhtabar, ça. Par contre, ça, cette question-là, on ne l'accepte pas. Mais c'est un alim ala rasulhin, mais directement de le classer, ça, ce n'est pas notre minage, ça. De le classer, de dire, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Mais faux, ça, ce n'est pas notre minage. On dit, ghalat, rahimahullah. C'est tout. On a été capable de le dire à des gens qui étaient mieux que lui. Même s'il est contemporain, c'est pas parce qu'il est contemporain qu'il est marceau. Vous avez compris? Taïb. Ensuite, je fais cette parenthèse et normalement vous l'avez compris aussi que je veux en dire. Taïb. Thumma in kana qailuhu, parce que, ouais, je finis aussi ça. Parce que quand j'ai dit que certaines paroles c'était du ralat, c'était une erreur, etc., on est parti dire sur moi et d'autres frères que on disait sur Shir Intel que c'est un mourji. Moi j'ai jamais dit, de ma bouche, hein, j'ai jamais dit que les Shur que eux ils ont dit, c'était des mourji. Jamais j'ai dit ça. Je dis le nom mais l'autre côté. La ibara, la parole, là, ça c'est du Irja. Il y a une différence ou pas? Voilà, khalas. Tu vois, je peux te dire quelqu'un, il a dit une parole de kufr, sans dire quoi, sans dire que c'est un kafir. D'ailleurs, c'est eux qui défendent beaucoup cette parole, ce ménage-là. Hein. Tous ceux qui tombent dans l'erreur, eh ben, c'est pas forcément kadaba. Pourquoi moi, quand je le dis, quand je dis ça, c'est une parole qui est ralat, d'accord? Ça, c'est ralat, ça, c'est du irja. Et je peux vous ramener, que comme quoi c'est du Hajjaj, j'ai trouvé dans des kutub de Ash'a'ira les mêmes paroles que cette parole-là. Ça, c'est du Hajjaj. Mais maintenant, j'ai jamais dit qu'un tel chef ou un tel chef qui a des usul, c'est-à-dire qu'il y a des bases, salafia, de venir de dire quoi? De venir de dire que c'est un murji. Et ça, c'est grave, ça, d'accuser les frères comme ça directement. En vérité, c'est juste parce qu'en vérité, ils veulent juste éloigner les gens de toi, c'est des jaloux, etc. Et ouais, que tu fais des cours. Des fois, je me dis, c'est peut-être ça, Allah. Inch'Allah que c'est ça, c'est juste ça, Inch'Allah, c'est pas plus grave. S'ils connaissent la vérité et ils font ça, là, il y a des questions qui, il y a d'autres questions qui vont se poser, là. Allah le musta'an, c'est du sada'an sabillah, ça c'est grave. Encore hier, subhanallah, on a parlé 1 heure avec quelqu'un, on a essayé de le raisonner, de le dire. Ça se fait pas, qu'est-ce que tu as fait une fois? En fait, il a pris une discussion que j'ai eue entre moi et lui. Il a pris une partie. Et les 10 minutes dans lesquelles je l'ai raisonné sur ce truc-là, il les a jetées. Il a pris que cette partie-là. Vous avez compris? Et il est venu, il est parti le répéter aux gens. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui voulait faire khutbah de Jumu'ah, par exemple chez nous, là, là, hein, chez des frères que je connais, ou alors chez moi, là, il répétait ce qu'il disait. Il disait, moi, pourquoi tu vas pas au Jumu'ah? Non, parce qu'il y a eu. Il y a eu cette petite partie-là, hein, qu'il y a eu entre moi et lui. T'es sérieux, là? Je disais, c'est pour ça. Je lui dis, samahanillahu iyyak, etc. Je dis, qu'Allah te guide et tout. J'ai essayé de le raisonner pendant 1 heure. Rien à faire. Non, tu relates, moi je relatais tes propos. Non, non, non, il était resté. Et en vérité, c'est pas de ta faute. C'est tes chiures qui t'ont, hein, envéminé, ils t'ont empoisonné. Maintenant, t'es éduqué. Hein. T'es éduqué comme ça. Et il y avait un grand cheikh qui disait, enfin, un grand cheikh, un de mes chiures qui disait quoi? Il disait, celui qui éduque des scorpions, hein, et qui éduque des vipères, qu'est-ce qu'il attend celui-là? Qu'est-ce qu'il va attendre d'eux? Ça veut dire que demain ils vont le piquer. Hein? C'est la même chose. Et ben voilà. Lui, Inch'Allah, j'espère pas pour lui. Hein. Mais souvent, quand tu éduques à faire le mal, et ben on va te le refaire sur toi-même, ce mal-là. C'est exactement ce qui s'est passé avec certains chiots. C'est-à-dire qu'ils ont éduqué des élèves, hein, on va dire, sur ça. Ouais, soyez méchants, ouais, soyez cadets, soyez cadets. Ben, le jour où ils sont tombés dans l'erreur, c'était les premiers à dire, ah, toi t'es méchant, toi t'es mauvais, toi t'es ceci. C'est pas comme ça, subhanallah. C'est pas ça le sens islamique, c'est pas ça le dit. Allah musta'an. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة وإلا عمل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. Regardez. Là, cette phrase-là, elle dit exactement ce que je viens vous dire en général. Il dit, si la personne qui dit l'erreur, il est ma'rouf bil nasiha ou sidq, il est connu pour sa véracité, pour sa nasiha, c'est-à-dire qu'il cherche le haq, lui, à chaque fois dans ses paroles. Il cherche le haq, d'accord? Il cherche la vérité, il cherche la sunna du prophète. Il a dit, celui-là, on va l'excuser. D'accord? Et on va lui chercher des excuses. D'accord? Mais si il n'est pas comme on vient de le dire, là on va lui donner ce qu'il mérite. Et on va le récompenser par rapport à le mauvais qasd, la mauvaise intention qu'il a eue, hein, en essayant de s'opposer, hein, à la vérité et au haqq et à la sunna. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, c'est pareil. Il y a des critères, il y a des choses à savoir. D'accord? Si ça, par exemple, c'est un charlie, mais tu le vois, il fait comme celui qu'on voit là sur Internet. Il se pose et il dit, voilà, moi je défie n'importe qui dire que le ménage à charlie, c'est pas le ménage à la haq. Ah, mathalan, je défie telle personne. Allah, il est pointu sur toi. Tu le vois, tu sens que son qasd, il est mauvais. Tu sens qu'il va en sortir ce bâtel-là. Hein? Celui-là, qu'est-ce que tu fais? Même celui-là, certains Ahl al-Sunnah vont dire quoi? Ils vont dire, c'est-à-dire, viens vers lui et essaye de l'appeler vers le haq avec compassion et gentillesse. Et avec douceur, afin de le faire revenir. Parce que nous, le but, c'est de le faire revenir. S'ils sont têtes, cadavres. Et d'autres, non. Ils vont dire, bon, maintenant, il a fait ça, on va regarder. On va étudier l'individu et on va regarder comment il est dans sa vie de tous les jours, entre guillemets, en tout cas sur cette da'wah-là. Et si on voit que vraiment c'est quelqu'un de mauvais, etc., là on va s'occuper de lui, hein, avec les adil. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et là, il n'y a pas de mal à être dur, parce que lui, il est dur. Hein, tu veux être dur, voilà. Il faut, mais là, Mais le mieux, moi pour moi, hein, c'est toujours le mieux, c'est essayer de... Un café, par exemple, ils sont têtes, il est mauvais, il est cadavre. Comment tu te comportes avec lui? Essaye de le ramener vers le haq. S'il veut pas, après, khalas, là c'est autre chose. S'il veut pas, il veut pas, on voit. Hein. Nous, on teste quand même, au moins, au minimum, on aura mis notre hudja. Voilà. D'accord? Il dit, fa'in kiana, fa'in qala qa'ilun. هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونه؟ Voilà, là il y a une question, il dit, Chir, il dit, si une personne nous pose la question, il nous dit, est-ce que vous rendez mécréants les gens du Ta'wil ou alors vous les rendez fussaq, pervers, d'accord? Il dit, قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الأحكام الشرعية التي مردتها إلى الكتاب والسنة فيجب التثبت فيه غاية التثبت فلا يكفر فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. Si on pose cette question, on vient de dire, nous on dit le takfir, rendre mécréant la personne, dire oui tu es un kafir, le taxer, l'excommunier de notre hein, communauté, de notre umma, de dire de lui khalas tu es un kafir, halal ad-dam ila akhiri, ou alors fasiq, de dire khalas t'es un fasiq, toi on n'accepte pas ta shahada, tu es un pervers, parce qu'il y a des ahkam sur le fasiq, il y a des ahkam sur le kafir, d'accord. Nous disons que ce n'est pas notre hukma, nous, c'est le hukma qui à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que si tes paroles sont du kufr et si tes actes sont du kufr ou du fisq, là on va regarder ce que dit Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu seras jugé si cela est thabit, si cela est confirmé et affirmé surtout. C'est vrai, quelqu'un il vient, il voit le khabar devant vous comme ça, Allah il a fait du fisq, donc lui il a un had. Lui, tu dois normalement, dans une daoula islamia, tu dois appeler la police religieuse, ou là tu dois ramener le juge, et après, khalas, c'est le juge, c'est comme ça. Pas faux. Ou n'importe quoi, hein, n'importe. Chaque crime a sa peine. D'accord? Chaque crime a sa peine. Bon, ça, c'est en termes de fisc. En termes de coufre, c'est pareil. Si quelqu'un vient, il se lève dans un minbar, ou il se lève devant nous, il dit Allah, il a un enfant, il fait du coufre. Là, il a de la coufre. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ne s'est pas attribué cela. Donc, forcément, cette personne-là, elle a fait du kufr. Mais en tout cas, on va revenir au Qur'an et à la Sunna pour dire, sèche, que ça, c'est du kufr ou du fisq. D'accord? Mais c'est pas nous. On va venir directement de nous-mêmes, on va dire, ouais, tu es un kafir, tu es un fisq. Pas fou. Mais si c'est confirmé, c'est affirmé qu'il l'a fait, il n'y a pas de mana. D'accord? Regardez, il a dit, dalla al-kitab wa sunna ala kufri wa fisqihi. D'accord? Vous avez compris? Dalla al-kitab wa sunna ala kufrihi wa ish aw fisqihi. D'accord? Donc c'est le kitab, c'est le Coran et la sunna qui vont montrer si cette personne-là c'est un kafir ou un fasiq. D'accord? Et de dire que c'est des ulama qui font iqamat al-hujja, qui établissent la preuve sur ces gens-là, ça, ce n'est pas ala al-itlaq. Ça, ce n'est pas absolu. Suivez-moi bien, et moi j'assume, parce que là on vous dit des choses, c'est... les gens ils posent des questions dans un contexte avec des savants, d'accord, et après à la fin, hein, ils pensent qu'il faut absolument passer par un savant pour dire que celui-là c'est un kafir ou un fasiq. Ça c'est faux les frères, je vais vous dire pourquoi c'est faux. Parce que cette question-là c'est que dans les questions qui sont subtiles, les mesel khafiyya. Les messieurs qui sont subtils, d'accord, dans la religion. Il y a un truc qui est subtil, qui ne sait pas trop, etc. Là, oui, tu lui fais l'établissement de la preuve, etc. Mais les questions qui sont claires. Mathalan, il vient, tu lui dis, voilà, et moi, il dit, moi, je veux pas faire salat. Moi, je fais pas salat. Déjà, salat, on sait très bien. Ijma' al-ulama, quand même. On est sur l'ijma' des sahaban, radiallahu anhu, d'accord. Il vient, il dit, je fais pas. Ou alors, lui-même, il te délaisse complètement. Si tu confonds. Tu vas attendre quoi? Qu'il y ait un savant qui vient? Donc, alors, s'il meurt cette personne-là, toi, tu vas l'enterrer chez les musulmans. C'est quoi ça? C'est un dîne jadid, ça. Toi, t'as déjà vu les sahabas enterrer quelqu'un qui faisait pas salat avec eux? Déjà, il n'y en avait pas, déjà. Même les munafiqins, ils avaient compris qu'il fallait faire la salat. Hein. سبحان الله العظيم. سي كوا سو دين كي جديد؟ سي عجيب. دونك كون كالكان يفي كليرمون كالكو شوز اي توا تو سيغ باغ لو قران اي لا سنه باغ لو قران اي لا سنه تو سيغ دو سكي لا في سي دو كوفر ماشي اشكال مفهوم. Il vient dire, quelqu'un dit, moi j'accepte pas l'islam, je suis pas musulman, je suis un communiste. Des fois t'entends des trucs comme ça, je suis un kada, je suis un kada. Et bon, hein, tu le vois de temps en temps avec les musulmans, il fait le ramadan. Celui-là de Salévara, celui-là. Non, il a fait du couvre bawah, vous avez compris? Il a fait du couvre bawah. Donc, de dire que c'est que le musulman, que le alim, ça c'est faux. C'est dans les questions subtiles, oui. Nous, on est capable de. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le kafir qui est wadih, مثلاً, le mouchrik. Le mouchrik. Hein, même celui qui dit le mouchrik. Ou alors, hein, l'autre, le yahoudi, le nasrani. Il faut que tu valides ça par un savant. Pourquoi on ne fait pas valider cela par un savant? Pourquoi? Parce que c'est clair. Donc, quand c'est clair. On n'a pas, d'accord, vous avez compris, Inch'Allah, quand c'est clair, on n'a pas à faire valider ça par un savant. Mais quand c'est subtil, il a dit une parole qui ressemblera à du kufr, etc. Hein? Ou alors, il a une shubha, vraiment, il a une vraie shubha, etc. Là, à ce moment-là, c'est le juge qui vient et qui établit la preuve sur lui. Et là, tu rentres pas dans ça. Et même dans tous les cas, quand tu sais qu'il a fait du kufr, etc., tu t'en éloignes et tu t'en écartes, c'est tout. Après d'aller le crier sur les toits, etc., ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que le tekfir, ça rentre dans l'ordre de quoi? C'est de l'ordre de quoi? Du amr bil ma'ruf et nahi anil munkar. Et que ça, tu regardes la maslaha et la mafsada. D'accord? Et en général, ça fait plus de mafsada que de maslaha. Il dit, ouais, vous êtes des tekfir, vous êtes des. Voilà. Il va dire, vous êtes des khawarij, vous êtes des tekfir. Quand tu vas dire, mais toi, akhi, tu fais pas salat, t'es pas un musulman. Tu vas pas lui dire ça, toi. Toi, tu sais. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Fais salat. Toi, tu te rends compte de la gravité de son erreur et tu l'appelles à faire quoi? Tu l'appelles à faire la salat et tu lui dis, et taqillah fi nafsi, c'est grave ce que tu fais, etc. etc. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Un zani. Tu vas lui dire, toi, t'es un zani? Tu vas pas lui dire. Tu sais qu'il fait zina. Tu vas pas lui dire, espèce de zani, tu mérites ça dans l'islam, etc. etc. Ça y est, le maslaha, faisant ça. Mais est-ce que toi, dans ton cœur, c'est un zani? Moi, c'est ça que je parle. C'est juste ça. C'est quand quelqu'un il a fait un crime, c'est un criminel. Quand quelqu'un il a bu, c'est un buveur. Quand quelqu'un il a marché, c'est un marcheur. Quand quelqu'un il a couru, c'est un coureur. Il a couru, il est courant. Vous avez compris? Maintenant, le fi'l, le fa'al. Le fi'l, à partir du moment où il est fi'l, à partir du moment où il y a eu le fi'l, tu es le fa'al de ce fi'l. Peu importe pourquoi, si tu l'as fait par ignorance ou pas, ou cadavre, ou cadavre. Par exemple, quelqu'un qui a mangé pendant ce siyam, hein, il est excusable ou pas, s'il a fait par oubli? Mais il a mangé quand même. Donc il est mangeur, il a mangé, akala, il est akil. C'est vrai, c'est fou. On va lui enlever ça parce qu'il est excusable par quoi? Par, hein? Non, le fi'l, c'est le fi'l. Mais il était nasi, par exemple, il avait oublié, ou kadam, mafoum. Mais celui qui fait le fi'l, c'est le fa'il. Dans la loura de l'arabe, dans la loura des français, dans le haql, dans tout. D'accord? Celui qui fait le kufr, c'est un kafir, jusqu'à preuve du contraire. Les mawani', c'est ne pour pas kafar directement dire oui, officiellement tu en es un. Mais sinon, à la base, c'est quoi à la base? La règle, c'est quoi? C'est que c'en est un. Si le kufr, il est wadih. Là, tu entends quelqu'un dire, là, il a un enfant. Il est comme ça, tu le sens qu'il dit, voilà, il le dit avec affirmation et pas il est en train de parler dans un dars ou un truc comme ça, ceux qui disent que Allah il a un enfant, c'est des kufars. Non, on parle pas de celui-là, on parle de celui qui l'affirme. Tu vas attendre toi, tu vas réfléchir. Bah, dans ce cas-là, va excuser toute la terre. Ben oui, c'est vrai, à la fin t'excuses tout le monde. Parce qu'ils ne savent pas tous, hein. Beaucoup c'est des duhal, hein. La majorité c'est des duhal. Akthar, walakin aktharahum la. Ya'lamoun, Allah le dit dans le Coran. Est-ce que vous avez compris? Donc là, il dit bien, hein, kufri ou fisqi. Ensuite, il dit wal aslu. Écoutez bien celle-là. Celle-là fait un petit peu mal parce que c'est un petit sujet qu'ils ont sorti. Wal aslu fil muslim al-zahir al-adala. Baqa'u islamihi wa baqa'u adalatihi hatta yatahaqqaq زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. Et la base du musulman, en apparence, c'est la justice, c'est la adala. Comment ils ont traduit la adala ? Il y a eu ce débat là, il n'y a pas longtemps aussi, hein, entre des frères et tout ça. La adala, c'est quoi ? C'est le fait qu'il est adl, qu'il est juste. L'équité, ouais. L'équité. Il y avait un autre terme que j'ai oublié. Wabaqa ou islam, et le asl, c'est qu'il est musulman jusqu'à preuve du contraire. D'accord ? Ça veut dire que la justice, l'équité, hein, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il y ait un dalil shara'i qui prouve le contraire. Ça, c'est l'asl musulman. D'accord ? Ils sont venus, ils t'ont dit non, l'asl musulman, non. Il faut regarder s'il est salafi, il faut regarder s'il est cadavre, il faut regarder s'il est. Allah musta'an. Ils ont fait un débat là, il n'y a pas longtemps encore, un truc comme ça, c'est complètement n'importe quoi. Allah musta'an. Wala yajouzu at-tasahul fi takfirihi ou tafsiqihi li anna fi dhalika mahdhurayn 'azimayn. أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. طيب. Il te dit, et il est interdit de faire le takfir ou le tafsir d'un musulman comme ça facilement. Tu dis facilement, pas quand t'as le dalil, quand t'as le dalil que c'est clair. خلاص ايش المانع مفهوم. Mais par contre, hein, facilement et directement, non. D'accord ? Facilement et directement, lui c'est un kafir, lui c'est un kafir. Après à la fin tu kafiras tout le monde. C'est pas comme ça. Ça c'est haram. Ça. Ça, après les gens, ils s'adonnent à ce fi'l-là. Après ils s'arrêtent plus. Ah bah lui c'est un kafir, ah bah lui c'est un kafir. Là. Non, toi, tu kafir bi asl shar'i. Avec un dalil du Coran, de la sunna. Et dans tous les cas, tu te certifies chez un savant. Dans tous les cas, tu certifies chez un savant si ce fi'l-là, ce qawl-là, c'est un. Hein, c'est du kufr, etc. D'accord ? Mais on va pas retalève, par exemple, sur quelqu'un qui insulte Allah, ou qui insulte le prophète, ou qui insulte le dîn, lui, celui-là, c'est un kafir directement. Mafoum ? Mais maintenant, quelqu'un qui a des paroles qui sous-entendent le kufr, hein, etc., là, tu t'abstiens. Quand la parole, elle est louche, hein, tu t'abstiens. Une fois par exemple, si je me souviens bien, il y avait une histoire où il y avait quelqu'un qui avait frappé comme ça, qui avait mis un coup de pied à un chien, et qui avait dit, ça c'était en Arabie, et il lui avait dit, tiens Mohammed, et il avait frappé comme ça. Mais il y a des ulama qui ont dit, mais qu'est-ce qu'il voulait dire ? Est-ce que c'était Mohammed, quelqu'un, il était en embrouille avec lui, ou voilà, tu vois, là ça peut être subtil. Mais s'il le fait dans le sens où Mohammed et c'est le prophète de l'islam, etc., là c'est un kafir. Vous savez, c'est pas si évident que ça. Parfois, il faut faire attention à la kulli hal. Ensuite, il dit ahaduhuma. Bon, pourquoi on ne fait pas le takfir d'une personne facilement, avec facilité? Il dit parce que la première des choses, c'est qu'il y a iftira al-kadhib ala Allah ta'ala fil hukmi ou ala al-mahkoumi. Il dit, la première des choses, c'est que il se peut que tu vas mentir sur Allah, ou tu vas mentir sur le hukm, ou tu vas mentir sur celui à qui tu as fait le takfir, c'est-à-dire que tu as taxé de kafir. D'accord ? Donc, il faut éviter. Parce que c'est comme si tu mentais sur. Tu donnes un hukm jar'i comme ça, hein, ça se trouve, tu mens. Donc, tu vois un petit peu, il faut avoir de la retenue sur cela. D'accord ? Ça, c'est le premier mahdour. Si on te pose la question sur cela, tu dis ça, c'est le premier mahdour. D'accord ? Après, le deuxième, il dit الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه ففي صحيح مسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما وفي رواية وإن كان كما قال وإلا رجعت عليه وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين أحدهما دلالة الكتاب دلالة الكتاب والسنة أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. بون. الجيسي نعم شيخ يسي الجي le deuxième mahdour dans lequel tu vas tomber, la deuxième interdiction, c'est le fait que il est possible également que tu dises ça de ton frère musulman et qu'il est épargné en réalité de cela, qu'il est exempt de cela. Et toi, malgré ça, tu l'as accusé. En fait, premièrement, ça peut être un mensonge sur Allah et sur la religion. Et deuxièmement, parce qu'il est possible que ce n'est pas du kufr ce qu'il a fait. Hein, et la deuxième des choses, il est possible qu'il soit exempt et innocent de ce que tu l'accuses. C'est-à-dire ton frère musulman. D'accord ? Donc, il y a deux mahdour, il y a deux interdictions. Et ensuite, il ramène un hadith d'Abdullah ibn Omar et d'autres sahaba comme Abu Dharr, etc. Il dit que celui qui taxe son frère de mécréant, hein, soit c'est vrai, et donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème, regardez, c'est son frère, c'est-à-dire, ça veut dire que toi, quand tu dis kafir, c'est quand même ton frère, donc le hadith te prouve que tu as le droit de kafir, tu vois, quand quelqu'un il a fait un kufr aussi, bah ouais, vous avez compris, c'est Inch'Allah, s'il a fait un kufr, bah ouais, tu as le droit, d'accord, soit ça revient sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça revient sur lui? Certains savants ont dit que ça veut dire que c'est le péché d'avoir dit kafir qui va revenir sur quoi? Sur lui. Et d'autres ils ont dit que non, il va finir kafir. A'oudou billah. Parce que souvent celui qui kafir, à la fin il fait tellement de l'exagération, il devient quoi? Il devient khawarij, il kafir pour un oui ou pour un non. D'accord? Et vous savez même que les khawarij eux-mêmes, les ulama, ont divergé à leur sujet. Certains voient que c'est des koufars et d'autres non. Ceux qui disent que c'est des koufars, ils se basent sur le hadith qui dit yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahm min ar-ramiya. Ils sortent du din comme sort la flèche de l'arc. D'accord? Et ils se basent sur ça. Et d'autres ulama disent non. Parce que Ali radhiallahu anhu avait dit ikhwanuna baghaw alayna, etc. Les ulama, il y en a qui voient que ce n'est pas des koufars. Mais à la kulli hal, le danger de kafar son frère sans preuve, sans dalil, hein, c'est soit le péché d'avoir dit kafir, il va revenir sur toi, ou soit tu vas, a'udhu billah, sortir toi-même de l'islam. Mais si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est vrai, s'il est kafir, il est kafir. Vous avez compris ça, Inch'Allah, cette mas'ala? Donc il y a trois cas. Tayyib. Ensuite, il dit qu'il faut regarder deux points. Tout ça, en tout cas. Le Coran et la Sunna, afin de savoir si ce qawl ou ce fi'l oblige et incomble le kufr et le fisq, d'accord. Et le deuxième, c'est quoi? C'est est-ce que ce qawl-là s'applique sur cette personne, d'accord? Donc la première analyse que tu fais, est-ce que ça, par le Coran et la Sunna, c'est du kufr ou du fisq? Et la deuxième, c'est quoi? La deuxième analyse que tu fais avant de kafir la personne, c'est est-ce que celui-là, il le mérite ou pas? D'accord? Si c'est un fou, par exemple, il ne le mérite pas. S'il est en train de dormir, il ne le mérite pas. Donc après, il y a des mawani', des choses qui vont empêcher ce takfir. Hein, et il y a des chourotes pour kafir, et ça, il faut les connaître avant de kafir. D'accord? Et na'am. Est-ce que vous avez compris ça, Inch'Allah? طيب. Ensuite, il dit « وَمِنْ أَهَمِّ شُرُوتُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمُخَالَفَتِهِ أَلَّتِي أَوْجَبَتْ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا » Parmi les shurut et les plus importants des conditions, les conditions les plus importantes qu'il faut avoir, parce que là, il t'a parlé des shurut, là, il a parlé des conditions. Il dit que tu saches, tu as le savoir, tu as la science. Mais vous avez là, science de ces choses-là. Tu apprends que cette chose-là, c'est du coup, à travers le Coran, la Sunna, tu dis, ou c'est du fisq. Tu sais, par rapport aux preuves, que ça, c'est du kufr ou du fisq. Il dit, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَقَوْلِهِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Alors, ces versets-là, deux choses qu'il faut retenir dans ces versets-là, من بعد ما تبين له الهدى, après qu'il ait vu la preuve. Parce que le takfir, c'est une chose. Le takfir, c'est une chose qui a besoin de quoi? De l'établissement de la preuve. Ça veut dire que tu es sûr qu'il a reçu la preuve. Et comme on a dit, il y a des sujets qui sont clairs, il y a des sujets qui sont subtils. Par exemple, on l'a répété que le shirk c'est clair. Au fond, que tout le monde doit savoir que le shirk c'est hein, du kufr. Voyez. Plus encore, le sab, qui est plus grave que le shirk en réalité. Celui qui sab Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Hada, celui-là, alors là, t'as même pas le droit de t'attawakaf fi. C'est-à-dire de t'abstenir hein, sur son sujet à celui-là. À Fouhala, taïb. Et en fait, là ensuite il dit Hatta yubayyina lahum. Là, Hatta yubayyina lahum, jusqu'à ce qu'il leur montre que cette chose-là n'est pas bonne. Taïb. Donc, il faut absolument le ilm. Il faut absolument le ilm. D'accord? Et ça, mes frères, pourquoi? Avant de parler, avant de dire sur une personne qu'il est kafir, il faut absolument ce ilm-là et l'établissement de la preuve, et qu'il y a dire ça c'est du kufr, etc. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des choses, il y en a des choses qui vont venir en conséquence de cette chose-là. En état islamique, dans un état islamique. Mathalan, la séparation de sa femme. Un s'il est marié avec une musulmane. Hein, il n'aura plus d'héritage. Hein. Et puis il a baddal son din, donc Aman baddala dinahu, faqtulu, tu vois. Oui, mais il y a des choses. Donc on va se certifier, d'accord? Voilà, on va regarder, il y a les conséquences, etc., etc. Mais le takfir, quand on dit kafir le takfir, ça, comme on l'a expliqué, ce n'est pas pareil que mushirik. Mushirik, dans tous les cas, tu lui donnes le nom de mushirik s'il tombe dedans, dans le shirik. Mais le kafir, non. Pourquoi? Parce que le kafir, c'est bima'na al-juhud. Al-juhud, ça veut dire qu'il a renié cette chose-là. D'accord? S'il l'a renié, ça veut dire que la preuve lui est parvenue. Alors que le mushrik, il est possible qu'il fasse du shirk et la preuve ne lui est pas parvenue. Comme on a dit, min qabli an ta'tiyahum al-bayyina. Wa in istajaraka ahadun min al-mushrikina fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Allah, il a appelé mushrik avant même de recevoir la preuve. D'accord? Mais ce mushrik-là, il est possible qu'il soit jahil. D'accord. Et quand Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit, et ça c'est une parenthèse, quand il a dit Inni la ukaffiru abd al-fulan ou abd al-qubbat fulan, il l'a appelé quand même comment? Abd, vous avez compris? Ou man ya'bud, d'accord? Il a dit la ukaffir, c'est-à-dire je ne lui donne pas les règles qui vont en conséquence du takfir dans cette dunya et le hukm qu'il ira fannar dans l'akhira, parce qu'il est possible, oui, qu'il n'a pas reçu quoi? La preuve, vous avez compris? Donc en fait, le takfir, c'est la sentence qui va avoir tout ce qui va y avoir fait de dunya, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire là, hein, la séparation, le qatel, le fait qu'il est halal ad-dam, etc., etc. Tout ça, ça demande quoi? Ça demande un jugement, ça demande quelque chose, vous avez compris? Mais est-ce que ça veut dire qu'il l'a appelé musulman? En tout cas pour le mushrik? Non! Il ne l'a pas appelé mushrik, puisque lui-même il a dit, voilà comme ça, lui-même il a dit quoi? Il a dit Inni la ukaffir man ya'bud. Qubbat, il faut la lire. Donc il l'a appelé mushrik. Donc le nom, dans tous les cas, il le garde. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que, et ça, il s'est basé sur le Coran, Mohammed Abdul Wahhab. Il s'est basé sur le Coran et la Sunna. Il a dit quoi? Il a dit Eish, min qabli an ta'tiyahum bayyina. D'accord. Munfakin, ça veut dire qu'ils ne vont pas laisser se détacher du péché dans lequel ils sont jusqu'à ce que vienne la preuve. Mais il les a appelés comment? Mushrik. Donc le mushrik, dans tous les cas, il s'appelle mushrik. À partir du moment où il est tombé dans le shirk akbar, c'est un idolâtre, c'est un mushrik. Tu ne l'appelles pas mushrik. Ne te dis pas, si tu veux, tu ne donnes pas les sentences du tekfir, d'accord, les sentences dans cette dunya et dans l'akhira, mais tu l'appelles mushrik ou pas? Tu l'appelles mushrik, mais tu ne le rentres pas chez les musulmans. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et c'est à cause de ça, à cause de ces termes, quand il a dit Inni la ukafiru man abada kada wa kada, d'accord? C'est à cause de cette parole-là qu'ils ont pensé que Muhammad ibn Abdul Wahhab yahdar bil jahl, qu'il excusait par ignorance. Vous avez compris? Il dit, moi, je vais donner les sentences que si je suis sûr et certain qu'il a reçu, et quoi? La preuve. Vous avez compris? Et ça, c'est un bon débat, Inch'Allah, quand on fera Moufid et Moustafid, Inch'Allah, je vous l'expliquerai mieux. Vous avez compris? Mais en tout cas, je vous donne ça parce que, comme ça, chacun il a sa place. Le moujirik, c'est un moujirik. Le kafir, c'est un kafir. Le kada, chacun, il faut que tu lui donnes sa place. Sinon, on va tout mélanger. Sinon, le Yahoudi, le Nasrani, le Tarek, le Salat, le Kadha, le Kadha, tout cela, c'est des musulmans à la fin. Vous vous rendez compte? C'est ça dont on en est aujourd'hui. Ouais, mais il n'y a pas l'établissement de la preuve. Et il n'y a pas de savant. Ah bah, comment tu fais alors? Hein, pour taire tout le monde dans le même cimetière. Allah, c'est ça. Tayyib. ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يتبين له. Voilà, ça par exemple c'est une des personnes qui est épargnée du takfir, qui est celui qui ne reconnaît pas les obligations, et alors qu'il est hadith عهد بالإسلام حتى يتبين له. Alors qu'il est hadith ahl al-islam, ça veut dire qu'il est nouveau musulman. C'est un nouveau musulman. Il vient juste de rentrer dans l'islam. D'accord ? Celui-là, par exemple, il fait partie des gens qui sont excusés. Il vient juste de rentrer dans quoi ? Dans l'islam. Par exemple, il vient juste de faire la shahada. Il n'a pas encore appris l'islam. Il vient, il ne sait pas qu'il y a 5 prières. Alors toi, tu viens, tu lui dis, voilà... il faut que tu pries, etc. Après, il dit, et après lui, par exemple, il est là, il dit, ouais, mais il n'y a pas de temps de prière. Il n'y a pas telle chose dans l'islam, il n'y a pas telle chose. Comme il vient juste de rentrer dans l'islam, celui-là, tu ne vas pas le kafara directement. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas. Donc là, forcément, tu vas lui enseigner. Tu vas lui dire, non, il y a 5 prières dans l'islam, 5 prières, il faut que tu les fasses, etc., etc. Vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'il est hadith, ahad, bil, islam. Donc celui-là, hadith, ahad, bil, islam, hein, c'est celui qui vient juste de rentrer dans l'islam. Mais ensuite, il te dit, Jahad al-fara'id alladhi ya'ishu bayna al-muslimin kafir. Mais par contre, quelqu'un qui vit au milieu des musulmans et qui dit, non, il n'y a pas 5 piliers de l'islam, etc., il dit, là, c'est un kafir. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il le sait. Il sait qu'il y a 5 piliers de l'islam, etc. Donc, en vérité, il te dit que c'est un kafir. Ça prouve bien qu'il y a des gens qui ne sont pas excusable. Bien sûr. Par exemple, quelqu'un qui vit chez les musulmans. Et il dit le halouf, hein, le khinzir, c'est halal. Des koufars, ils savent que nous, on ne mange pas le halouf. Hein, le khinzir, c'est l'habitude de dire le halouf. Hein, des koufars, ils savent. Comment lui, il ne sait pas? Il insiste, il dit, le koufar, il dit, non, le khinzir, c'est halal. Khalas, celui-là, tu vas me dire, c'est un musulman encore, celui-là. Jahada. صح ولا لا؟ بس هذا جحود جحود جحود سي فتكي دينيغري روجيت. مثال اذا قال بعض الناس الذين يعيشون بين المسلمين ان صلاة الخمس ليست واجبة. Il te dit, regarde, il va te donner un exemple, cher ami. Il te dit, quelqu'un qui, des gens qui vivent au milieu des musulmans et qui disent les salawat khams, les 5 prières ne sont pas obligatoires. أو إن الزكاة غير واجبة. Ou la zakat n'est pas obligatoire. إن الصيام رمضان غير واجب. فهذا كافر. Tu vois? Comme quoi, il y a des questions qui ne sont pas à la kafir, il t'a dit. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas une question qui est discutable, qui est subtile. Ça, c'est une question qui est claire. Donc, de dire à chaque fois, non, il faut absolument l'établissement de la preuve, il faut absolument le alem, il faut... Non, ça, c'est faux, ce n'est pas absolument. Il y a des choses qui sont claires. D'accord? Lakin, لو كان حديث عهد بإسلام لا يعلم, فهذا لا يكفر حتى يعلم. Celui-là, celui qui vient juste de rentrer dans l'islam et qui ne sait pas ces choses-là, comme il vient juste de rentrer dans l'islam, mais il était ignorant sur l'islam, il vient juste de rentrer, celui-là, on lui enseigne. S'il, même s'il le dit, on ne le kafare pas directement. Mais par contre, s'il insiste, là, on le kafare. Ben, vous, s'il dit non, il insiste sur le fait qu'il n'y a pas 5 salawat, alors que... Hein? Oui, c'est plus des gens qui le mettent en pratique. C'est... Voilà. Ouais, mais c'est plus grave encore. C'est pour ça que ça c'est plus grave. Mais on va pas rentrer dans les détails. Sinon, il en reste plus beaucoup là, les pauvres. Allah musta'an. Wa min al-mawani' an yaqa' ma yujib al-kufr aw al-fisq bighayri iradatin minhu. Et parmi les mawani', parmi les choses qui empêchent le takfir ou le tafsir, de dire une personne qui est fasiq ou kafir, il dit an yukraha 'ala dhalik. فيفعله لداعي الإكراه لا إطمئنانا لا إطمئنانا به فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى من كفر بالله بعد من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Alors, il te dit parmi les موانع, les choses qui empêchent le takfir, c'est quoi? C'est l'ikrah, la contrainte. Comment on dit? Contraindre une personne, c'est ça? Non. Contraindre une personne à faire cet acte-là, c'est-à-dire le fisq ou quoi, ou le kufr, hein, cela, bien sûr, est un mani', est une chose qui empêche le takfir. D'accord? C'est une chose qui empêche le takfir. Le takfir ou le tafsir de cette personne. Si par exemple une personne oblige par la force, hein, on dit bien par la force, et attention, c'est pas il l'oblige avec un coup de fil. Il l'appelle, il est aux États-Unis ou il est chez je sais où, il l'appelle, il dit fais ça, sinon je vais te faire ça. Par contre, la contrainte, les savants, ils ont dit quoi? Certains, ils ont dit que c'était la prison. D'autres, ils ont dit que c'était les coups. Directement les coups, les vrais coups. Hein, ou alors le couteau sous la tempe, le pistolet sous la tempe, le couteau sous la gorge, etc., etc. Voilà, vraiment, si vous voulez la contrainte, faut vraiment la pousser, faut vraiment être sûr que tu vas être menacé, que ça soit dans ta propre personne, ou dans ta propre famille, ou dans ta... Là, t'as le droit de, à ce moment-là, faire le kufr comme ça, avec quoi? Avec, bien sûr, le fait de garder la foi dans ton cœur. Naam, et le dire qu'avec ta langue, de ne pas le dire avec ton cœur, parce que si tu le dis avec ton cœur, là forcément, tu es rentré dedans. Donc, mais il faut quand même, si on peut dire ça, il faut quand même pousser un petit peu le bouchon. Il ne faut pas, dès la première menace et dès la première chose, directement te soumettre à cette contrainte. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, Cheikh Ben Baz, il explique bien ça dans la Maqid al-Islam. Il dit attention, c'est pas toutes les contraintes comme ça. Hein. Il faut vraiment que la personne, elle t'a... Mais par contre, j'ai lu des athars, comme quoi. Omar ibn al-Khattab disait que c'était la prison. Hein, par exemple, si quelqu'un te menace de prison, ça peut être une contrainte. D'accord? Parce qu'il y en a, ils ne supportent pas la prison, c'est un adab. Ou alors, par exemple, les coups. Les coups. Quelqu'un, il vient, il te met un coup, Ibn Abbas, il disait le premier coup, je dis tout. J'utilise la rukhsa d'Allah. Dès le premier coup. D'accord? Parce qu'il y en a, ils ne supportent pas les coups. Ben oui. Donc l'islam, c'est quand même une religion riche. Hein? Mais celui qui asbar, c'est quoi son hub? Celui qui patiente, yasbir, yadil hal. Inch'Allah, il est shahid, Inch'Allah. Hein, s'il meurt, ou yakada, ou il patiente pour Allah, subhanahu wa ta'ala, il a un ajr azim, azim, azim, azim, jiddan. Parce que là, il souffre pourquoi? Pour sa religion. Donc voilà, ça c'est la contrainte. Et Allah cite ce verset-là, le verset qui est dans surat An-Nahl. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf ceux qui sont contraints à faire cette chose-là, alors que leur cœur est sereinement. Hein, dans la foi. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Il dit, parmi les surahs, parmi les choses, parmi les choses qui montrent la contrainte, il dit, أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا إطمئنانا فلا يكفر. Non. L'air, mais pas la même chose là. طيب. بغير إرادة, c'est-à-dire que lui-même, il ne le veut pas. D'accord? Là, il répète. Là. Ensuite, il dit, منها, parmi les موانع, là, on est toujours dans les quoi? Dans les choses qui empêche le takfir ou le tafsir, il dit an yughlaqa alayhi fikruhu fala yadri ma yaqulu li shiddati farahin aw husnin aw khawf. Il dit par exemple son aql, son fikr, sa pensée, son esprit est complètement sorti de lui-même, comme celui qui est réellement content. Hein, par exemple, il a une joie, mais une très grande joie, maintenant. Ou alors, une très grande peine, une très grande tristesse, ou alors une très grande peur. D'accord? Là, dans ces cas-là, si son aql est parti à cause de cela, d'accord, à cause d'une grande tristesse, ou joie, ou une peur, là, on peut dire qu'il est excusable par cela. Un exemple, c'est, vous connaissez le hadith, celui qui a perdu son chameau, après, quand il l'a retrouvé, il a dit « Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ». Il a dit « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton seigneur ». Mais il a dit ça, pourquoi ? Parce qu'il était content, d'accord ? Donc, « al-ghalat fil lisan », quelqu'un qui a dit ça avec sa langue, mais par un événement, à cause d'un événement, c'est-à-dire d'une joie, d'une tristesse ou kada, celui-là, tu le kafar pas. Donc, en vérité, ils sont peu à la fin, hein, ceux que tu excuses. Parce que regardez, là, c'est soit l'ikra, ou soit shiddatesh, le aql qui part, etc. Donc, regardez, il n'y en a pas beaucoup à la fin. Voyez ? Et شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر. Il te dit le takfir, la vraie réponse à cela, c'est que tous ceux qui font partie de la Ummah du Muhammad صلى الله عليه وسلم et qui ont fait l'ijtihad, l'interprétation, mais qui se sont trompés, ceux-là, on ne peut pas les rendre riches kuffar. D'accord ? Bel yughfaru lahu khata'u. Mais on dira que son erreur a été pardonnée. Wa man tabayyana lahu ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fashaqa ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wattaba'a ghayra sabil al-mu'minin fa huwa kafir. Mais par contre, une fois qu'on lui a établi la preuve claire avec les textes, hein, et qui avec cela a insisté et s'est opposé, on va dire, au texte et à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a suivi notre voie, et dit celui-là, alors il sort de l'islam. طيب ومن اتبع هواه وقصر في طل الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح عليه سيئات. Regarde, ensuite il dit, par contre celui qui suit ses passions, écoutez bien là, celui qui suit ses passions et qui a parlé sans science, celui-là, il est aasi, il est désobéissant avec le péché qu'il a eu de faire cette chose qu'il a faite. Il dit, et il se peut que ce sera un fasiq, et qu'il aura des hasanat, ou alors qu'il aura des hasanat qui vont, donc ce qu'on vous a dit tout à l'heure, il y a des hasanat qui vont effacer quoi ? Ses péchés. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Donc, il y a soit celui qui cherche le haq, mais qui cherche le haq, ça se voit qu'il cherche le haq, et qui ensuite qui est tombé dans l'erreur, celui-là est excusable, ou soit celui qui a reçu le haq, mais qui s'est entêté, et celui-là, ce n'est plus un musulman. Et ensuite, tu as celui qui suit ses passions, celui qui suit ses passions, et qui a parlé sans science, et celui-là, dans ce cas-là, il sera, comme on vient de vous dire là, comme on vient de vous définir. Ensuite, il dit, وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العلمية العملية وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. La Cheikh insiste aussi sur le kalam d'Ibn Taymiyyah qui disait que c'était Ibn Taymiyyah disait tout le monde sait et ceux qui s'assoient avec moi savent que je suis une personne qui s'éloigne de ce genre de jugement. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des péchés derrière de ce jugement-là, le tekfir et le tafsir. Il dit, mais par contre, on n'en jugera que la personne qui a reçu la hujja risaliya. Et la hujja risaliya, ça c'est un dars, les frères. La hujja risaliya, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les preuves émanant du Coran de la Sunna. Mais comme on vous a dit, des fois il y a des choses qui sont très claires et des fois il y a des choses qui ne sont pas claires et qui sont subtiles. D'accord ? Et ça, Inch'Allah, on l'expliquera. Et ensuite, il dit, en tout cas, je m'éloigne et je dis et répète que ceux qui font l'ijtihad dans cette umma, ceux-là seront pardonnés. C'est-à-dire ceux qui font l'ijtihad. et qui cherche le haq, pas qui fait l'ijtihad et qui cherche le batil. وذكر أمثلة ثم قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بالتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. Et il dit, il faut faire attention, car moi, c'est-à-dire il parle d'Ibn Taymiyyah, j'ai montré que les paroles de Salaf, lorsqu'il disait celui qui fait ça et celui qui fait ça, il est comme ça, il est capable. D'accord, il a expliqué ici qu'il y a une différence entre itlaq al-qaw et ta'yin. C'est-à-dire de le dire comme ça, celui qui fait ça, il est comme cela, mais le ta'yin, c'est-à-dire de le dire individuellement. Celui-là, c'est un faible. Mais bon, il y a une différence. Si je dis, moi par exemple, tous ceux qui disent ça, c'est un faible, ça ne veut pas dire que toi tu vas prendre ma parole et tu vas dire khalas. Non, il y a des chouroutes, comme on vient de voir là, ces chouroutes-là. Mais bon, comme le hadith également de celui qui a demandé, hein, de celui qui a demandé se faire brûler, le fils d'Israël là, qui avait demandé de se faire brûler, il a demandé à son fils de le brûler, d'accord, pour parce qu'il avait peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit brûle-moi, et ensuite, mais sans, juste avant de mourir, il a demandé à sa famille de le brûler et ensuite de prendre ses cendres et de les jeter, d'accord. Et les ulama, ils ont dit, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui posera la question et lui dira, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il leur a dit, khashiyatuk, t'as peur, ya Allah. Donc celui-là, il a été excusé par quoi? Par sa crainte, par sa peur. Vous avez compris? Mais c'était un mouahid. C'était pas un mouchrik. D'accord? C'était un mouahid. D'accord? Lui, il l'a fait par peur. Et qu'à ce moment-là, au moment où il a dit, la in dayyaq Allahu alayya. Qadara Allah alayya, ça veut dire qadara, ça veut dire ici, c'est-à-dire dayyaq Allah, si Allah veut me punir, hein, je vais faire telle chose et telle chose. Il a préféré se mettre en cendre que. Mais là, ils disent, les savants, qu'il a eu le doute sur un juz, sur une partie de la qadara d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'était pas sûr. On va dire sur cette chose-là, un juz. Ça, c'est Ibn Taymiyyah qui dit ça. D'accord? Et surtout, c'est le contexte. Ça veut dire qu'il allait mourir, il avait fait des péchés, etc., etc. Mais celui-là, il était mouahid quand même. C'était pas mouchrik. D'accord? Tu peux pas le prendre comme preuve pour l'excuse de l'ignorance du mouchrik, ce hadith-là. Hein, comme certains l'ont fait. Non, ça, c'est une erreur. Le fou mirwan, tayyib. Donc ici, hein, celui-là, il avait peur que Allah subhanahu wa ta'ala le châtie. Et dans le Coran, on a l'exemple avec Uzair. Uzair, alayhi salam, Uzair, le prophète, il a dit Anna yuhillah hadihi al-qariya. Comment Allah il va revivre cette qariya, ce village. Et qu'est-ce qu'il a fait? Fa'amatahu Allahu mi'ata'a. Allah l'a fait mourir. Donc ça, hein, il n'a pas eu du chèque. Mais ce genre de choses peut rentrer dans le cœur, vous avez compris? Et lui, peut-être que c'est cette chose-là qui lui est rentrée dans son cœur, le Ben Israël, là, hein, l'homme qui était avant, hein, celui qui a demandé de se faire brûler, cet homme-là, là, peut-être qu'il a eu cette chose-là dans son cœur, ce petit doute dans son cœur, dans une partie, dans Juz Minar, et ensuite, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, d'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est une exception, mais qui est réfutable par les textes eux-mêmes. D'accord? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et non pas une excuse directement par ignorance. Là, c'était pas l'ignorance, là. D'accord? C'était, il pensait qu'il allait échapper au adab. Mais non. Et ensuite, Allah, il a pardonné. Il a pardonné parce que il m'a dit, khashiyatuk, t'as peur. فَهَذَا رَجُلٌ شَكَّ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ وَفِي إِعَادَتِهِ إِذَا ذُرِيَ بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين. Alors cet homme-là, hein, il a douté sur la qudra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je sais que Cheikh l'Islam dit fait juz dans une partie de la qudra d'Allah, parce que douter sur toute la qudra d'Allah, ça c'est du kufr. D'accord? Lui c'est sur une juz, sur une partie. Mafhoum? طيب في جزء من قدرة الله. Lui Cheikh l'Islam il est d'avis que c'est qudra d'Allah wa i'adatihi, le fait que Allah va le ressusciter. Il dit, بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين. Et il a eu croyance que il ne sera pas ressuscité. Les ulama ont plusieurs tafsirs sur ce hadith là. D'accord? Les ulama, le cheikh il est d'avis que il a eu l'i'tiqad, la croyance que il n'allait pas être ressuscité. D'autres ulama disent non, lui il l'a fait par peur. C'est tellement il a, tu vois quand t'as peur, t'as tellement peur que tu fais n'importe quoi là. Hein? Et ben là c'est la même chose. Qu'il a fait n'importe quoi et ensuite à la fin il a dit c'était ta peur, ya Allah. Lui-même il le dit, c'est ta peur, ya Allah. J'avais tellement peur que j'ai fait cette chose-là. Vous avez compris, Inch'Allah? Et c'est vrai, quelqu'un dans la peur, surtout la peur avec Allah, il peut faire n'importe quoi. C'est vrai, c'est faux. Lui, c'est exactement ce qui lui arrive. D'accord? Naam. Lakin kana jahilan. Là, il était jahil. C'est le rôle de Cheikh Al-Uthaymin, ça. Qu'il voyait qu'il était jahil. La ya'lamu dhalik. Wa kana mu'minan yakhaf Allah an yu'aqibahu. Il avait peur qu'Allah le punisse. فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ. Et Allah lui a pardonné ça. Les gens, il y a des ulama, ils ont regardé ce côté-là. Ils ont regardé le côté qu'il avait peur. Et d'autres, ils ont regardé le côté qu'il a ignoré. Ou plutôt, il s'est entêté à refuser que Allah subhanahu wa ta'ala pouvait le ressusciter. Et d'autres ulama, ils ont regardé plus le côté de la peur. Celui qui va regarder le côté de la peur, le alim qui va regarder de la peur, le côté de la peur, il va dire quand t'as peur, tu peux faire n'importe quoi. Comme quand t'es content, tu peux dire n'importe quoi. Comme a dit cette personne-là quand il a dit ose, tu es mon serviteur et je suis ton seigneur. Là, c'est quoi qui l'a poussé à dire ça? C'est la joie. Ben là, c'est la peur qui l'a poussé à faire ce genre de choses. Sauf que Cheikh Al-Uthaymin, lui, il insiste sur le fait que, hein, il a eu la aqida, l'i'tiqad, que Allah n'allait pas le ressusciter. D'accord? D'autres savants, ils ont dit non. Ils ont dit c'est la peur et non pas cette aqida. D'accord? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ala kulli hal, ça c'est son ijtihad, Cheikh Al-Uthaymin, ala kulli hal. Mais il y a au moins, sur ce hadith-là, il y a 8 ta'wil. 8 explications à ce hadith-là. Là, moi, je vous en ai donné que 2. Celle de Cheikh Al-Uthaymin et celle que je connais. Pour refuter, c'est-à-dire ce qawl-là. Tayyib. لكن كان جاهلا vous avez compris ça inchallah les frères طيب ان يعاقبه فغفر الله et c'est plus logique que ça soit la peur parce que l'autre il a fait du kufr en faisant quoi en ayant une grande joie et lui il a fait du kufr si on peut dire que c'est du kufr en faisant trop hein نعم نعم avec le khawf vous avez compris ça inchallah donc c'est logique ça serait logique والمتول من هذا الاجتهاد الحريص على متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم اولى بالمغفره من مثل هذا طيب ensuite il dit الشيخ الثيمين رحمه الله تعالى وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل et avec ça on sait maintenant la différence entre la parole et celui qui l'a dit, celui qui dit cette parole, ou l'acte et celui qui le fait. Oui, parce qu'il y a dans certains cas il est excusable. On a bien vu que hein, c'était des cas bien précis. فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. Il dit maintenant ce n'est pas chaque parole ou chaque acte qu'on va juger mécréance ou perversité, fisq, que directement celui qui l'a dit, il en fait partie. Et ça on est d'accord, nous-mêmes on est d'accord sur ce fait-là. Et on doit être d'accord sur ce fait-là. Walakin, et je répète encore une fois, hein, pour ne pas tout mélanger dans cette question-là, parce que après, ça peut aller loin, ce genre de choses. Ça veut dire que le Yahoudi, le Nasrani, le musulman qui tombe dans des questions qui sont claires et qui fait du kufr et du fisq, etc., celui-là, il ne rentre pas là-dedans. Hein. Celui-là, il ne rentre pas là-dedans. C'est ça, il faut bien le comprendre. Vous avez compris, ça, Inch'Allah? Ça, il faut bien le comprendre. Et pas dans les questions claires, comme vous voulez répéter, Inch'Allah. Il dit وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية فإن الإيمان من الأحكام المتلاقى من عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. Alors là, Cheikh nous résume encore une fois ce qu'on vient de vous dire. C'est que il y a encore une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui dit que la parole, si même elle est kufre ou fisq, toujours بالإجماع بالكتاب والسنة والإجماع, il te dit, il se peut que cette parole-là soit ainsi, mais que celui qui l'a dit n'est pas un kafir. Ça, on insiste bien sur ça. Mais ensuite, il dit, regardez bien ce qu'il dit. Il dit, voilà, yajibu an yahkum ala kulli shay'in. Et on n'a pas l'obligation, nous, à chaque musulman, on n'a pas l'obligation de dire à chaque fois que celui-là c'est un kafir, celui-là c'est un kafir, celui-là c'est un kafir. Pourquoi ? Ça, je vous l'ai dit. Ça rentre dans l'amr bil ma'ruf et dans quoi ? Dans nahy al munkar. Ça, on le dit quand il y a une maslaha ou pas. Mais ici, surtout, ce qu'il faut regarder, vérifier, c'est le shurut. Est-ce que celui-là, il l'a dit ? Et lorsqu'il l'a dit, il a été conscient de ce qu'il a dit, etc. etc. D'accord ? Les shurut, il est mawani'. D'accord ? Il dit par exemple, celui qui dit que le khamar ou la riba, c'est halal. Mais il vient juste de rentrer dans l'islam. Regardez, toujours, là, c'est un mana'. Ça, c'est ça qui va empêcher le fait de dire que c'est un kafir. Pourquoi ? Parce qu'il vient juste de rentrer dans l'islam, vous avez compris ? Ou alors il a vécu dans quoi ? Dans une campagne lointaine où il n'avait aucun moyen de communication, d'accord ? Ou alors il a entendu une parole qui pensait que ça n'était pas du Coran ou que ce n'était pas un hadith et il a rejeté. Pourquoi ? Parce qu'il pensait cela. Alors qu'ensuite, tabayyana lahu, que c'était une parole d'Allah et une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Donc il y a des cas où la personne elle ne va pas être taxée de mécréant. Vous avez compris ça, inshallah. Et ensuite il dit, et il a parlé encore de hujja bir-risala, la hujja, l'établissement bir-risala, c'est-à-dire l'établissement de la preuve avec quoi ? Avec la risala, c'est-à-dire le message. Quand il dit ça, étant donné qu'il insiste sur ça, je vais vous faire un abrégé ou plutôt un résumé de ces ahkams-là sur le coup. Alors, premièrement, les gens qui reçoivent le message. D'accord ? Premièrement, on a le shirk comme péché. Et on a le kufr, d'accord ? Le kufr, il y a plusieurs branches. Mais le shirk, il est plus grand que le kufr, d'accord ? Puisque c'est un nu' khas min al kufr, d'accord ? Et ce nu' khas min al kufr, personne n'est excusé. Celui qui tombe dedans, qui fait du shirk akbar, attention, je ne parle pas du shirk asghar, je parle du shirk akbar, il adore à mort, etc., etc. Celui-là, il est inexcusable. Quand on dit l'inexcusable, ça veut dire qu'il porte dans tous les cas le nom de mouchrik. D'accord ? Après, si c'est un Indien d'Amazonie, ou si c'est quelqu'un qui vit dans une contrée lointaine, etc., qui n'a jamais reçu le message de l'islam, d'accord ? Qui n'a jamais reçu aucun message, d'accord ? Celui-là, c'est quoi ? Son cas ? Il fait partie des gens de Al-Fitra. D'accord ? Al-Fitra, c'est les gens. Al-Fitra, ça veut dire, c'est le fitra en arabe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le waqt, le temps où il n'y a jamais eu de quoi il n'y a jamais eu de prophète, enfin il n'y a pas eu de prophète qui ont transmis le message. D'accord ? Pourquoi ? C'est pour ça qu'Allah dit « Ala fatratin mina min ar-rusul ». Vous avez compris ? Donc, celui-là, il fait partie des gens de la fitra. La fitra, les gens de la fitra, ils seront testés yawm al-qiyamah. Vous avez compris ? Et dans les gens de la fitra rentrent énormément de catégories de personnes. Par exemple, l'enfant qui n'est pas pubère, mais qui est l'enfant d'un mushrik. Ou l'enfant d'un nasrani ou d'un yehoudi. Ceux-là, ils rentrent aussi dans la fitra, parce qu'ils n'ont pas reçu encore. Vous avez compris, Inch'Allah ? Et d'autres voient, d'autres savants voient que ceux-là, ils ne sont pas excusables. Ils ont suivi leurs parents dans son truc. Mais le rajah, c'est que ces gens-là, ils rentrent, Inch'Allah, dans les gens de la fitra. Et ils seront testés par un prophète, Yom al-Qiyam, Allah va leur envoyer un prophète. Vous avez compris ? Donc, mais en tout cas, le shirk impardonnable. Parce que le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé dans le Coran, il en a parlé dans le Coran et il l'a montré clairement, Allah subhanahu wa ta'ala, clairement, avec l'épreuve, mais aussi du aql. Ça veut dire qu'il a interpellé aussi le aql pour dire que le shirk, c'est quoi ? C'est impardonnable. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Ça veut dire qu'avant même le message, avant même qu'on reçoit le message, on sait que le shirk, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Par exemple, avant l'islam, tu savais que le mensonge, c'était pas bon. Ah là là, tu sais que c'est pas bon, tu sais que c'est pas loyal, c'est malhonnête, etc. Tu le sais. Mais comment tu le sais? C'est les valeurs humaines, c'est les ceci, c'est... Voilà, il y a encore des valeurs, il y a encore des choses qui sont restées chez les êtres humains et qui savent que cette chose-là, elle n'est pas bonne. C'est ce qu'on appelle la masala du tahsin et du taqbir. Et ça, on le verra, Inch'Allah ta'ala, on vous en parlera. Mais en tout cas, le shirk, est-ce qu'on pouvait te faire croire qu'un mur va te donner à manger et à boire? Un mur, ou une pierre, ou une statue? Est-ce qu'on pouvait te faire croire ça? Hein, est-ce que ça, dans ton aql, c'était acceptable? Non. Donc, on voit bien que le shirk, si le aql ne l'accepte pas, forcément, khalas, l'histoire, elle est réglée. Vous avez compris, Inch'Allah? Donc, le shirk, dans tous les cas, c'est impardonnable. Vous avez compris, Inch'Allah? Taïb. Ensuite, il y a une tabaka de gens qui sont hadith ahd bil islam et quoi? Man asha fi badiyatin ba'ida. Celui qui a vécu loin dans une campagne, mafoum, et ou alors celui qui vient juste de rentrer dans quoi? Dans l'islam. D'accord? Ces deux personnes-là, ceux-là sont excusables, on les excuse, s'ils tombent dans le kufr, dans les meselles qui sont wadih. Vous avez compris? Par exemple, on lui dit, la salat, c'est deux personnes là que je vous dis, hein. Je vous avais bien suivi, c'est qui? Il ne sait pas que la salat, c'est cinq prières. Celui-là, il n'a jamais eu de communication avec les gens. Il a suivi ses parents faisaient peut-être une salat ou deux. Voilà, mathalan, c'était des musulmans. Et ils ont fait ça. Ou alors, il vient juste de rentrer dans l'islam. Celui-là, même s'il tombe dans les grands, dans des koufriyettes, celui-là, tu l'excuses. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Celui-là, tu l'excuses. Vous avez compris? Et tu lui bayennes et tu lui montres le haq. Mafoum? Celui-là, tu lui montres le haq. Mais pas s'il est mouchrik. Sage, quand je vous parle, c'est qu'il est muslim. Mafoum? Maintenant, s'il est mouchrik et qu'il a vécu dans une badia ba'ida, on lui a donné son hukm déjà. Son hukm, il sera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma toi, en tant que mouchrik, tu lui donnes le nom de mouchrik. Min qabli an ta'tiyahum, al-bayyin, vous avez compris? Ou alors il vient juste de rentrer dans l'islam et il ne sait pas encore. Il y a encore du shirk, des choses comme ça, il ne sait pas. Là, tu lui montres. Mafoum? Le shirk asrar et pas le shirk akbar. Si le shirk akbar, tu lui montres, khalas aussi. Si lui, il est dans le shirk akbar, tu lui montres. Yani, c'est pas un muslim. Donc le khilaf, en réalité, sur ces gens-là qui disent la ilaha illallah, qui sont tombés dans le shirk, le khilaf, comme le dit Salih al-Shir, hein, le khilaf, est-ce qu'il est murtad, est-ce qu'il est sorti de l'islam, et l'apostasie, ou alors il est mushrik asli, ou alors c'est un vrai mushrik, c'est-à-dire il est dans le shirk, ça veut dire que c'est un vrai associateur. Vous avez compris, le khilaf, il est entre les deux. Il n'est pas si c'est un muslim. Personne ne peut appeler quelqu'un qui fait du shirk muslim. Sinon, on rentre qui? Les yahouds et les nasara. C'est vrai, c'est faux. C'est ça que ça incombe, ce truc-là. Vous avez compris? Donc ces deux-là, ils sont excusables s'ils tombent dans du kufr, vahir. Et ensuite, il y a la troisième tabaka, le mesel, khafiyya. Les questions qui sont subtiles. À plus forte raison, ceux-là, on les kafar. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Voilà. Et les mawani', comme on a vu là, les mawani', le ikra, hein, la joie, la force, ça, on regarde ça aussi. Mais après, khalas, il n'y a plus d'autre chose. Il n'y a pas encore, hein, il n'y a pas, il faut qu'il ait le fahm d'Abu Bakr ou d'Omar, hein, comme certains ils l'ont mis comme charte. Ah, il faut qu'il ait la compréhension des Arabes de l'époque du prophète, ça, c'est doux, ça. Ça veut dire que le message, il n'est pas clair. Ils ont été jusqu'à dire ça à certains. Ça veut dire qu'à la fin, pour eux, il n'y a plus de kuffar. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دينا كان يؤثرها في فإنه يستحق ما يقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسق. Regarde, il te dit bien. Et si le haq lui est parvenu à cette personne-là, mais malgré ça, il s'oppose parce que il continue à suivre, hein, ces gens-là, c'est-à-dire les gens dans lesquels ils sont dans le ghalat, et que il honore encore cette religion, il vénère encore cette religion-là dans laquelle il est, hein, celui-là, il yestahiq, c'est-à-dire il mérite, hein, toutes les règles et toutes les sentences du tekfir et du fisq. Ça veut dire s'entêter, ce n'est jamais bon. Hein, s'entêter dans le batel, ce n'est jamais bon. Ensuite, dit, à la fin, il dit fa'al al-mu'min. أن يبني معتقده وعمله على الكتاب وسنة رسول صلى الله عليه وسلم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما. Il dit, il incombe à chaque musulman, chaque croyant, de suivre sa croyance à travers quoi? Avec quoi? Avec le Coran et la Sunna. D'accord? Et que c'est ça son vrai imam, c'est ça son vrai guide, c'est le Coran et la Sunna. Et qu'il doit suivre, il doit illuminer, hein, ou naam, illuminer son parcours et son chemin avec cela. Et suivre ce minhaj du Coran et de la Sunna. Fa'inna dhalika huwa as-sirat al-mustaqim. C'est ça le vrai chemin, hein, le vrai chemin droit, la voie droite. Alladhi amara Allahu ta'ala bihi fi qawli ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans son livre en disant, et voici ma voie droite, hein, telle est ma voie droite, tel est mon chemin rectiligne, suivez-le. Ma foi. Fattabi'u, suivez-le. Wala tattabi'u as-subul. Et ne suivez pas les autres voies. Fatafarraqa bikum an sabili, car elles vont vous égarer de ce chemin. Dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Et c'est ainsi, hein, qu'Allah vous a recommandé cela afin que vous le craigniez. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين. Et que prenne garde celui qui, parmi les gens, prend son dogme ou sa croyance ou ses actes dans un madhab, c'est-à-dire, hein, une école particulière qui n'est pas celle du Coran et de la Sunna. فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة فيجعل الكتاب والسنة تابعين لمتبوعين وما سواهما إماما لا تابعا. Et que prenne garde le musulman donc à cela, de prendre, de mettre ensuite les, parce que نعم مبتدعه, qu'est-ce qu'ils font, ils prennent les preuves mais ils les mettent vers, c'est-à-dire ils les orientent vers leur passion et vers leur madhab. Ils vont prendre les mêmes preuves que toi, sauf que eux ils vont faire leur chemin. D'accord? Or que ces preuves-là montrent complètement autre chose sur la voie dans laquelle étaient les sahaba radiallahu anhum. Vous avez compris ça, Inch'Allah, sur la voie dans laquelle étaient les Sahaba, radiallahu anhu. Vous avez compris, donc ils vont prendre les mêmes preuves, laïsa kamit li shay, et on a dit, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Hein, ils vont dire, laïsa kamit li shay, donc justement, hein, puisqu'il n'y a rien qui leur ressemble, eh ben, il n'est ni en haut, ni en terre, hein, pourquoi? Parce que si tu dis ça, ça ressemble aux créatures. Allah, musta'an. Voilà, tariq min turqi ashabi al-hawa. Et ça, c'est une voie de parmi les gens du hawa. La atba'i al-huda, et non pas ceux qui ont suivi la guidée. Wa qad dhamma Allahu hadha at-tariq fi qawlihi ta'ala. في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماء والأرض السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. Garde ce verset. ولو اتبع الحق أهواءهم. Si la vérité suivait leur passion, لفسدت السماوات والأرض. Il y aurait eu le désordre dans les cieux et la terre. Vous avez compris? Naam, le haq, c'est celui que tu dois suivre. C'est pas toi, tu prends ton hawa et ensuite tu dis c'est ça le haq. Tafoum? Naam. Wa man fihinna bal ataynahum bi dhikrihim fa hum an dhikrihim mu'ridun. Wa an-nadhiru fi masalik an-nas fi hadha al-bab yara al-ajab al-ujab. Et voilà, et celui qui regarde et qui se concentre sur ce que font ces gens-là, il voit ajab al-ujab. Il voit des choses vraiment étonnantes. Et il connaît la personne qui prête attention à cela, à ses égarements, il voit bien qu'il faut revenir à son Seigneur et qu'il faut demander à qu'Allah te préserve de l'égarement. Regardez, Shir, ici, il montre le recueil que le serviteur doit avoir vis-à-vis de son Seigneur, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il dit, regardez, ça c'est quelque chose. Lui s'est égaré comme ça, lui s'est égaré comme ça, lui s'est égaré comme ça. Toi, Allah t'a guidé, subhanallah. Il te dit, normalement, toujours tu dois demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ces égarements. Là, il fait un rappel même à ces gens-là. En vérité, même un Ash'ari va lire ce livre-là, à un moment, ça va le faire réfléchir. Il dit, وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى بِصِدْقٍ وَافْتِقَارٍ. C'est lui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité et véracité. إِلَيْهِ عَالِمًا بِغِنَى رَبِّهِ وَافْتِقَارِهِ هُوَا إِلَى رَبِّهِ فَهُوَ حَرِيٌ أَنْ يَسْتَجِيبُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ سُؤَالَهُ. Il est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas cette dua qu'il va faire. D'accord, celui qui demande sincèrement la guider à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui donnera cette guidée-là et le guidera. Et surtout s'il reconnaît la faiblesse qu'il a vis-à-vis de son Seigneur. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur ou dis que je suis proche, sache que je suis proche et j'exauce l'invocation de celui qui m'invoque, s'il m'invoque, na'am, mais qu'il istajib, c'est-à-dire qu'il m'écoute, qu'il soit obéissant envers moi et qu'il croit en moi afin qu'il soit guidé. D'accord. Donc on voit clairement dans ces versets-là que celui qui recherche la guidée, il l'aura, inshallah ta'ala. Manasa Allah ta'ala an yaj'alana mimman ra'a al-haqqa haqqan wattaba'ahu wa ra'a al-batila batilan wajtanabahu wa an yaj'alana hudat muhtadin wa sulaha'a muslihin wa la yuzigha qulubana wa la yuzigha qulubana ba'da idh hadana wa yahaba lana minhu rahmatan fa innahu huwa al-wahhab. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على النبي الرحمة وهدى الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى شرح الكتاب وانتهى الكلام عن الكتاب. والله تعالى سبحانه وتعالى. Il est midi.